عدم الهبة والإجارة والاستعارة نعم والرهن le fait de les louer. Tu loues un livre, tu loues à quelqu'un, par exemple, tu es bibliothécaire, tu as des livres des gens de l'innovation, quelqu'un vient te voir, tu dis, je voudrais emprunter ou louer tel livre. Non? Tu dois d'abord considérer, tu as qui en face de toi ?